La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, de la notion de cause en sociologie. Tout comme l'alpinisme, la causalité est une affaire de vertige surmonté. En l'occurrence, celui qui nous saisit dès que nous tentons d'appréhender son rôle dans la nature ou bien dans la société. Car invoquer la causalité, c'est ipso facto convoquer l'infini à cause de la régression interminable qu'elle implique. Si tout a une cause, alors toute cause a une cause qui a elle-même une cause, etc., etc. Ainsi, La colombe de l'arche, ce poème de Robert Desnos, eût pu être beaucoup plus long que ces quelques lignes que je tiens à citer. Maudit soit le père de l'épouse du forgeron qui forgea le fer de la cognée avec laquelle le bûcheron abattit le chêne dans lequel on sculpta le lit où fut engendré l'arrière-grand-père de l'homme qui conduisit la voiture dans laquelle ta mère rencontra ton père. Fin de citation. D'où provient telle chose? Quelle est la cause de ceci, de cela? Comment pareil événement a-t-il pu se produire? À chaque fois que l'on tente de répondre à ce type de questions, se met en place un chemin vers l'abîme. Car on ne peut saisir une origine, raconter une apparition, expliquer un événement, qu'en accrétant au processus en question sa propre antériorité. Quelques cuisses de Jupiter qu'on met en avant, quelques points de départ qu'on choisisse, ils apparaissent comme n'étant pas d'authentiques causes puisqu'ils demandent à être eux-mêmes fondés en une sorte de régression interminable du conditionné à sa condition. À chaque nouveau pas, il faut invoquer une nouvelle cuisse de Jupiter, puis une autre, et ainsi de suite, sans jamais mettre la main sur la cuisse originelle, la matrice initiale de toutes les cuisses ultérieures. Mais en général, afin de ne pas se perdre dans trop de dédales, on se contente de résumer le principe de causalité en répétant que tout événement a une cause qui lui est nécessairement antérieure. Sans voir que, sous ces airs badins, cette présentation est loin de clore l'affaire. Elle pose même d'épineux problèmes philosophiques en contrepoint de ceux soulevés par l'idée de hasard. Hasard et causalité sont en effet corrélés, au sens où le premier se déploie dans l'ombre de l'autre. Invoquer le hasard, c'est presque toujours admettre qu'il y a une difficulté à identifier une explication causale. Le hasard correspond en quelque sorte au purgatoire de la causalité. Je voudrais à ce propos vous parler d'une science, la sociologie. La sociologie qui est une science humaine, la science de l'humain en société. C'est une science que nous avons trop rarement traitée dans notre conversation scientifique et il nous faut rattraper ce retard. Cette science a l'ambition de comprendre ou d'expliquer ce qui se passe dans une société donnée ou dans un groupe humain particulier. Les phénomènes sociaux, les trajectoires des individus, les phénomènes collectifs, la logique des conflits, les manifestations de la violence, les processus de radicalisation, les hooligans, pour ne citer que quelques exemples de ces sujets. Pour les traiter, les sociologues ont-ils besoin de l'idée de cause, ou bien peuvent-ils s'en passer en ne s'appuyant que sur la mise en évidence de relations, de corrélations, d'interactions entre les membres d'un groupe au sein de la société? Telle est la question du jour que nous allons aborder avec Michel Viviorca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, président de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Vous êtes également directeur, c'est-à-dire professeur, à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Et vous venez de publier un livre intitulé « Face au mal, le conflit sans la violence ». Sous-titre qui me semble paradoxal, « Le conflit sans la violence », ce qui n'est pas pour me déplaire, mais... Quand vous avez eu l'idée d'écrire ce livre à propos de ce qu'on appelle le mal, aviez-vous en tête une définition du mal? J'avais surtout en tête l'idée qu'il fallait proposer autre chose qu'une définition de type philosophique ou religieuse. Et donc qu'il fallait en réalité s'intéresser à tout ce qui, dans les conduites humaines, dans les rapports que vous venez d'évoquer, renvoie à l'idée de destruction, d'autodestruction, et pour le dire de façon un tout petit peu plus sociologique, de négation chez autrui ou et chez soi-même de la possibilité d'être sujet. Autrement dit, si je vous détruis comme sujet, comme capable de création, comme capable d'engagement, comme capable de construire votre existence, si je vous nie, alors je suis du côté du mal. Le mal, c'est d'oublier qu'autrui est un sujet. Je pense que c'est tout à fait central dans ce que j'essayais de montrer, C'est la négation, oui, de la subjectivité d'autrui ou de soi-même, d'ailleurs. Et évidemment, ça n'est pas une essence, ça n'est pas une nature. Alors, c'est un livre dans lequel vous interrogez notamment la violence, ses manifestations, ce qui peut la déclencher. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la violence, la cause de la violence, soit la violence elle-même ? Autrement dit, qu'il y a une sorte de cause première. J'ai invoqué dans mon introduction l'idée de régression à l'infini, mais on peut l'interrompre en disant il y a une cause première, une cause qui n'est pas elle-même l'effet d'une cause précédente, mais qui se suffit à elle-même en quelque sorte. D'ailleurs, j'imagine qu'en tant que chercheur, vous prenez souvent l'avion, et comme moi, vous avez souvent entendu le haut-parleur annonçant le retard de votre avion, disant bah, « votre vol est retardé à cause d'une arrivée tardive de l'appareil ». J'adore ça. Ce qui est une cause première. C'est l'idée que la cause du retard est le retard. Bon, écoutez, est-ce qu'on peut pas dire la même chose de la violence? Je vais d'abord vous parler de mes voyages en avion, puisque vous m'invitez à aller dans les airs. Écoutez, quand vous entendez ce genre de message, vous vous dites, il se fiche du monde. Pourquoi est-ce que l'avion n'est pas arrivé à l'heure? Est-ce que c'est la météo? Est-ce que c'est un passager dans le vol précédent qui avait oublié sa valise quelque part, etc. Et puis vous allez mettre en cause en réalité au fond de vous-même tout de suite une sorte de désorganisation de la compagnie aérienne ou du système aérien ou de l'aéroport, que sais-je. Donc tout de suite... Mais le retard vous est présenté comme étant à lui-même sa propre cause. Oui, parce qu'il faut bien s'en sortir. Il ne va pas vous dire... on ne va pas vous dire on est en retard, c'est... Et puis voilà, et on passe à autre chose. Il faut quand même donner une explication. Mais c'est une explication pour le moins insatisfaisante. Alors, pour ce qui est de la violence, est-ce que la sociologie est capable de l'expliquer, d'en décrire les manifestations et d'identifier ses causes? Alors, la décrire, oui. Essayer de la comprendre, de l'expliquer pour utiliser votre vocabulaire, bien sûr. En trouver la cause ou les causes, là on commence à rentrer dans des modes de raisonnement délicats à présenter. Parce que vous ne trouverez jamais... à propos de la violence, une explication, tel événement a causé telle violence. Ça ne marche jamais comme ça. Et quand des gens vous proposent une explication de ce type, on a très vite envie de contester. Je dois tout de suite d'ailleurs ajouter une chose. La sociologie est une discipline où les points de vue peuvent être très contrastés. C'est une discipline où l'on débat. Je vais vous donner un exemple puisqu'on parle de violence. Il y a 2 ans un débat... qui n'avait pas que des côtés intéressants, mais qui en avait un d'intéressant, qui était de savoir jusqu'à quel point, si on veut expliquer le terrorisme djihadiste d'aujourd'hui, jusqu'à quel point il fallait l'expliquer en premier lieu par ses sources sociales. Alors, je vais trop vite, mais la banlieue, l'immigration, le racisme, que sais-je. Ou bien, s'il fallait mettre en avant d'abord la religion. Et c'est un vrai débat. Qu'est-ce qui est premier dans l'analyse? Mais une fois qu'on a commencé à choisir plutôt un point de vue ou plutôt un autre, on s'aperçoit très très vite qu'il faut marcher sur les deux jambes, qu'il faut s'intéresser aux dimensions sociales qui ont fabriqué des trajectoires qui ont abouti un jour à la violence, et qu'il faut s'intéresser également à la façon dont l'acteur de la violence, à un moment ou à un autre, parfois très tôt dans sa trajectoire, parfois quelques semaines avant le passage à l'acte, a été amené à se situer d'un point de vue... Donc aussi s'intéresser à la psychologie des individus. Je vais vous le dire autrement, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il faut à la fois faire de la sociologie et de la psychologie et éviter le sociologisme et le psychologisme. Être entre les deux. Circuler. Je prends l'exemple puisqu'on parle de ça. Si je vous dis, en France, aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes considèrent que le djihad, oui, il faut le faire, c'est bien, que si ça nécessite de passer à la violence, pourquoi pas, qu'il faut avoir de la compréhension pour ceux qui le font. Très bien. Donc vous avez ici une masse suffisamment de personnes concernées pour produire des raisonnements de type sociologique. Alors, ils ont connu, par exemple, je simplifie évidemment à l'extrême, ils ont connu des difficultés sociales, ils sont passés par la case délinquance, ils ont été en prison, ils ont rencontré des gens qui les ont... etc. Bon, bref, je rentre dans un raisonnement de type sociologique. Mais vous pouvez me dire, oui, mais il y a eu un seul Mohamed Merah, où il y a eu un seul Koulibaly. Qu'est-ce qui fait que ce soit lui et pas les dizaines de milliers de personnes qui auraient pu, peut-être, elles aussi, passer à l'acte? Mais est-ce qu'on ne peut pas transposer ce débat à la science elle-même? Comment naissent les idées en science, les idées géniales? On peut dire, finalement, la science est construite grâce à une succession temporelle de génies, Galilée, Newton, Einstein, en oubliant le contexte. sont des cerveaux qui se parlent. Ou bien on va expliquer que Einstein, en 1905, à Berne, au bureau des brevets, examine des textes qui essaient de synchroniser les horloges à distance. Ce contexte lui a permis d'interroger le statut de l'électromagnétisme et l'a conduit à la théorie de la relativité. Mais évidemment, ses collègues qui faisaient la même chose n'ont pas eu les mêmes idées que lui. Donc le contexte a joué, mais ne fournit pas une explication suffisante. Et donc il faut, si vous voulez comprendre... Particulier les deux. Si vous voulez comprendre Einstein, il faut certainement circuler entre, oui, le contexte et la personnalité. Mais si vous êtes uniquement d'un côté ou de l'autre, vous vous planterez. Vous planterez parce que votre explication laissera de côté des points que tout le monde aura envie de soulever. Pourquoi Koulibaly? Pourquoi Mohamed Merah? Pourquoi tel ou tel terroriste et pas d'autres? Ça veut dire qu'il n'y a pas de déterminisme sociologique à proprement parler. La sociologie ne suffit pas en elle-même, quand elle vire dans ce que vous appelez le sociologisme, à identifier des causes uniques. Je pense que la difficulté pour la sociologie, c'est de faire véritablement disparaître tout déterminisme. Mais c'est très difficile. Très souvent, le déterminisme, le sociologue vous dira « je n'en veux pas », donc on le fait sortir par la porte. Mais le même sociologue ouvrira la fenêtre et fera rentrer le déterminisme par la fenêtre. Et donc c'est très très difficile de dire « je vais vous expliquer quelque chose, mais ne me demandez pas les causes ». Alors, il y a plusieurs façons de fonctionner de ce point de vue-là. J'en ai tout de suite deux ou trois qui me viennent à l'esprit. La sociologie, dans l'ensemble, a rompu avec l'idée qu'il y a des lois. Ça, c'est très positif. Parce que ça, c'était un énorme déterminisme. Si je vous dis que la théorie prévoit des lois qui font qu'il ne peut pas y avoir autre chose que tel événement compte tenu des lois de l'histoire ou les lois de l'évolution, c'est même pas la peine de faire de la sociologie, de faire de l'enquête, de faire du terrain. Non, il suffit d'appliquer la loi un peu bêtement. Donc, la sociologie a rompu avec cette idée. Mais ça a été une idée forte. Ce qu'on appelle l'évolutionnisme, c'est cette idée, justement, par exemple, que toutes les sociétés avancent sur les mêmes rails. C'était d'ailleurs une idée qu'on trouve aussi chez certains économistes. Je me souviens de livres de Rostov sur les étapes de la croissance. Tous les pays avançaient sur les mêmes voies ferrées, si je peux dire. Simplement, il y en avait qui étaient dans la locomotive, puis d'autres qui étaient dans le wagon de queue. Bon. Vous avez ensuite des gens qui ont proposé autre chose, qui disent évitons de dire que tel événement A ou telle cause A produit tel résultat B. Mais disons plutôt tel si il y a A, alors ça crée une condition favorable à ce qu'il y ait B. Ça augmente la probabilité de B. Voilà. Donc là, on commence à être dans des discussions qui me semblent déjà beaucoup plus acceptables. C'est un peu comme en économie. On augmente la TVA parce qu'on la baisse, parce qu'on pense que ça va avoir un effet positif sur la consommation. Voilà. Et c'est là où il faut faire très attention, parce que c'est là où parfois des idées trop simples vont se révéler des idées fausses. Il y a longtemps, par exemple, que les sociologues ou les historiens savent que ça n'est pas la pauvreté qui explique nécessairement la formation des mouvements sociaux. J'étudiais, moi, le mouvement ouvrier. Je ne comprends pas le mouvement ouvrier si je ne... sa formation, à partir de la fin du 19e siècle, si je ne mets pas en relation, en réalité, au moins deux logiques différentes. D'un côté, la logique des ouvriers de métier très qualifiés qui perdent leur qualification du fait des méthodes de travail, du fait de l'action des maîtres du travail. Donc, eux... vont se définir par rapport à ce qu'ils perdent, et d'un autre côté, des ouvriers non qualifiés, des manœuvres, qui eux se définiront non pas parce qu'ils perdent, puisqu'ils n'ont rien, mais par une sorte de sentiment d'inutilité, des grandes frustrations. C'est pas la même chose. Mais il faut se méfier. Si les gens sont uniquement dans la pauvreté, ils ne passent pas forcément à l'action. Plus de pauvreté ne fabrique pas forcément plus de révolte. On est en période de gilets jaunes. Sans en parler, je pense pas que ce soit l'objet, mais enfin... Vous avez peut-être vu, comme moi, tous ces articles qui disent que ça n'est pas les plus pauvres qui sont capables de se mobiliser. On aurait pu imaginer que les plus pauvres rejoignent ce mouvement qui a des dimensions sociales. Eh bien non, c'est des gens qui ont, j'allais dire, encore quelque chose. Donc il faut être très prudent dans l'idée même de trouver des conditions qui expliqueraient de façon générale la possibilité ou la virtualité de tel ou tel mouvement. Alors vous avez parlé, Michel Viverca, de la fin du 19e siècle, la naissance du mouvement ouvrier. Et dans votre livre, vous évoquez une période qui a été assez courte, 1890-1893, période au cours de laquelle on a assisté, selon l'expression d'un historien, Jean Métron, à une épidémie de terrorisme anarchiste. Bombes, meurtres, etc. Ça a duré 3 ans. Donc c'est un phénomène assez isolé, temporellement. Est-ce qu'on peut en comprendre les causes? J'ai fait une petite enquête à ce sujet et j'ai découvert que en 1887, donc 3 ans avant, est apparue une petite brochure de 40 pages intitulée « L'indicateur anarchiste ». Elle a été traduite en plusieurs langues, en tout cas dans toutes les langues européennes. Et c'est un livre dans lequel on explique comment transformer la nitroglycérine, qui venait d'être mise sur pied, si j'ose dire, en bombe artisanale. Et ça a alimenté cette vague d'attentats anarchistes des années que je viens de citer. Et c'est une époque où l'État républicain apparaît comme l'ennemi des classes laborieuses. Et puis il y a des affaires de corruption, il y a un mouvement anti-parlementaire qui se fait jour, l'affaire des décorations, le scandale de Panama. Et ces affaires alimentent l'idée d'une violence légitime contre un État qui ne l'est plus. Et en juillet 1894, donc à la fin de cette épidémie, un projet de loi anti-anarchiste est discuté, ce qu'on appellera les lois scélérates. Et Jaurès propose un amendement, et je voulais vous faire commenter l'extrait suivant de cet amendement. « Seront considérés comme ayant provoqué aux actes de propagande anarchiste tous les hommes publics, ministres, sénateurs, députés, qui auront trafiqué de leur mandat, touché des pots de vin et participé à des affaires financières véreuses, soit en figurant dans les conseils d'administration de sociétés condamnées en justice, soit en prenant les dites affaires par la presse ou par la parole devant une ou plusieurs personnes. » Donc c'est l'idée qu'il y a d'un côté une violence d'État qui légitime les attentats, d'autre part une responsabilité des hommes politiques corrompus. Bon, ben j'aime bien que vous citiez Jaurès, parce que d'habitude on cite Jaurès à l'appui d'un discours politique, là c'est à l'appui d'une réflexion ou d'une analyse, donc merci beaucoup. De l'identification d'une cause. Et de l'identification d'une cause, mais là je vais peut-être commettre un sacrilège, mais je pense que Jaurès y va un peu trop vite. Parce que entre le geste de tel ou tel anarchiste qui dépose une bombe ou qui tue une personne et le climat, le contexte qu'évoque Jaurès, enfin, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Et s'il n'y avait eu aucun épisode terroriste, le contexte aurait existé aussi. Donc, moi, je crois qu'il faut un vrai travail pour essayer de comprendre. Et là, on rentre dans des questions de travail, de démarche de sociologues ou en l'occurrence d'historiens, puisqu'on parle de faits qui ont plus d'un siècle de distance. Mais il faut vraiment, comme vous l'avez suggéré, connaître le contexte. Le contexte, c'est pas seulement les hommes politiques véreux. Le contexte, c'est aussi la société qui s'industrialise, tous ces prolétaires qui travaillent dans des usines, c'est cette colère sociale, ce sentiment d'injustice, c'est beaucoup de choses qui renvoient donc à autre chose qu'au seul parlementaire ou ministre auquel peut penser Jean Jaurès, et qui indique qu'il y a effectivement dans la société un bouillonnement, une effervescence qui ne trouve pas son débouché. Et donc, quand vous êtes dans une situation où il n'y a pas de médiation, où il n'y a pas de débouché politique, ou insuffisamment, où la colère, la rage, le sentiment de ne pas exister, d'être nié, et toutes ces choses-là, par des gens qui, de leur côté, abusent, en profitent, sont corrompus. Bon, alors, il est possible que ça crée une condition favorable à ce que cette révolte se condense chez quelques individus. Ils ne sont pas nombreux, les fameux terroristes anarchistes. C'est peut-être une quinzaine d'entre eux, ou une dizaine d'entre eux. Mais il n'est pas du tout impossible que chez quelques personnes, tout ça se condense. Mais avec quel mécanisme? Dans quelles circonstances? Ça, c'est ça qui doit être élucidé, jusqu'à les pousser à agir. Et donc, ce qui va amener à l'acte, le passage à l'acte, c'est quand même autre chose que simplement la réponse à la corruption des dirigeants politiques. Donc, je trouve que la bonne recherche, qu'elle soit historique ou sociologique, elle doit faire apparaître tout ça, ce contexte, ces phénomènes d'en bas, ces phénomènes d'en haut également, mais aussi qui sont ces acteurs. Mais comment résister, Michel Vivorca, à la tentation de trouver des boucs émissaires ? Qui sont des causes, en fait, qui servent à jouer le rôle de cause. Bah, ça fait partie de ces causalités qu'il vaut mieux éviter. Parce que, vous savez, quand on recherche des boucs émissaires, on n'est pas très loin de ce qu'aujourd'hui, dans le vocabulaire courant, on appelle le complotisme. Et moi, je vais le dire avec un autre vocabulaire encore, d'une sorte de paranoïa. Quand une situation est vécue comme insupportable, difficile, injuste, problématique, disons, et qu'il n'existe pas de canaux pour la traiter, politiquement, institutionnellement, ou en tout cas suffisamment, alors les choses prennent un autre tour et ça peut aboutir à des épisodes terroristes. Autrement dit, ce que je pense, c'est que, et on arrive à votre question finalement, c'est que si ça s'arrête un jour, c'est parce que la structuration intermédiaire se met en place. Alors justement, vous dites dans votre livre que vous avez une sorte d'explication ou de compréhension de la façon dont cette épidémie d'attentats terroristes de la fin du 19e a pu se produire. Qu'est-ce qui a arrêté cette vague ? Au début, j'ai constaté une concomitance. Alors je ne dis pas qu'elle explique tout, mais elle m'a permis de réfléchir. C'est que l'année, pratiquement dans les mois où s'arrête le terrorisme, c'est aussi l'époque où se passent deux choses très importantes en France. Premièrement, la création des premières bourses du travail, et deuxièmement, le premier grand congrès de la CGT, donc la création d'un grand syndicat. Et je regarde à ce moment-là la littérature historique, vous avez cité Jean Maitron qui a été l'homme qui, sur cette question, a amené vraiment, et sur toute l'histoire du mouvement ouvrier d'ailleurs, c'est l'auteur d'un dictionnaire biographique du mouvement ouvrier qui est une somme merveilleuse. Et donc, si vous regardez donc les travaux qui portent sur cette époque, vous constatez que ça discute beaucoup dans ce monde qui se constitue et qui se structure, ce monde syndical. Et qu'est-ce que ça dit ? Ça dit quelque chose comme, ça n'est pas par des actes terroristes qu'on va s'en sortir. C'est pas par des actes de violence qu'on va régler les problèmes du monde ouvrier. Et donc, il faut des syndicats, il faut des mutuelles, il faut faire des grèves, il faut mener des luttes, bien sûr, mais il faut pas tuer. Bon, alors, il y a des discours qui sont un peu intermédiaires, qui justifient une certaine violence ouvrière, le sabotage par exemple. Mais dans l'ensemble, c'est pas simplement que se constituent des acteurs ou des lieux comme les bourses du travail, c'est que en même temps, dans ce contexte-là, des discours nombreux se mettent en place pour dire la violence n'est pas la réponse. Ça, c'est une sorte d'explication de la fin de la crise. Je pense que ça pèse énormément. Mais est-ce que c'est transposable à d'autres crises dans lesquelles le terrorisme s'est manifesté ? Ou est-ce que c'est local ? Est-ce que ça a une valeur explicative plus générale que le cas précis ? Dans mon cas personnel, ça m'a apporté de quoi réfléchir à la façon dont naissent ou meurent les épisodes terroristes. Et je me suis posé la question en ayant donc lu cette littérature de la fin du 19e siècle, Maitron et à partir de lui d'autres choses, bien sûr. Je me suis dit, on peut peut-être introduire des raisonnements qui tissent un lien, mais pas une causalité, pas un détail, entre des transformations sociales et l'arrivée ou au contraire le déclin du terrorisme. Alors, il aurait très bien pu y avoir, après l'ouverture des premières bourses du travail ou après le congrès de la CGT, il aurait pu très bien y avoir d'autres épisodes terroristes, bien entendu. Mais le côté épidémique, lui, disparaît. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai étudié, alors là, beaucoup plus concrètement, personnellement, le terrorisme italien d'extrême-gauche des années 70 et 80. Et avoir réfléchi à l'épisode qu'on vient d'évoquer, ça m'a permis de montrer une chose assez compliquée. Donc, excusez-moi, il faut que je fasse un petit tunnel. Vous êtes dans la conversation scientifique qui dure une heure. Oui, mais enfin, c'est des choses... Je me suis dit... Est-ce qu'il n'y a pas dans ce terrorisme italien de ces années 70-80 quelque chose qui peut être expliqué avec un raisonnement du même type que l'épidémie en question ? Et là, j'ai dû introduire deux idées, non pas une. Et c'est pas des idées qui suffisent à tout comprendre, bien sûr. Mais premièrement, il y a dans ce terrorisme italien la fin d'un monde, la sortie de cette société industrielle, alors que l'épidémie terroriste en France à la fin du 19e siècle, c'est au contraire l'entrée dans cette société industrielle. Et donc, le mouvement ouvrier déclinant, s'affaiblissant, perdant de sa capacité sociale et politique à structurer les revendications, les projets, les demandes qui proviennent du monde ouvrier, s'ouvre un espace en aval, en quelque sorte, un peu comparable à l'espace qui existait en amont en France. Donc ça, c'est la première idée. Et donc, j'ai été voir si, effectivement, ce terrorisme italien d'extrême-gauche n'avait pas quelque chose à voir avec le déclin du mouvement ouvrier et la fin de la société industrielle. Et je pense que j'ai apporté quelques éléments de réponse. Et puis ensuite, je me suis dit, mais est-ce que ça ne nous annonce pas aussi l'entrée dans quelque chose d'autre ? Et là, je me suis aperçu que ceux qui ont voulu rejoindre ce terrorisme en Italie, par milliers, par dizaines de milliers, c'était pas simplement, je dirais, la queue de comète du mouvement ouvrier. C'était aussi une jeunesse en pleine effervescence culturelle. C'était des gens qui disaient « nous sommes des Indiens métropolitains ». C'était des gens qui avaient beaucoup de créativité artistique et autres, et qui, brusquement, parce qu'ils n'arrivaient pas à se transformer en acteur, en acteur collectif, au lieu d'entrer dans une société post-industrielle plus ou moins harmonieuse, créative, où il y aurait eu beaucoup de, comment dirais-je, de tranquillité, d'amour, de convivialité. Non, ils ne trouvaient pas cet espace-là. Et donc, ces gens-là ont aussi annoncé l'entrée dans la nouvelle société. Donc, vous voyez, le raisonnement qui est un peu compliqué, que j'ai essayé de tenir par mes entretiens, par ma démarche de recherche très très profonde, je crois, très sérieuse, c'était ce terrorisme est à la jonction de la sortie d'un vieux monde et de l'entrée dans un nouveau monde. Il y avait les deux, donc ça compliquait le raisonnement. Alors, ça ne veut pas dire que j'expliquais tout, parce qu'il fallait aussi tenir compte, j'allais dire comme Jean Jaurès, de la crise politique ou de la crise de l'État, qu'il fallait tenir compte du fait que dans cette grande mutation que je suis en train d'évoquer, finalement, le système politique italien commençait à battre de l'aile. On le voit aujourd'hui, c'est le début de la fin, dès ces années 80. C'est le début de la fin du Parti communiste et le début de la fin aussi de la démocratie chrétienne classique. Donc, il y a plein de choses qui jouent, qui ont quelque chose à voir avec ce mouvement général, je pense, de la société italienne. Et donc, l'explication la plus sociologique n'est qu'un élément d'un paysage plus compliqué. Mais est-ce que je me trompe, Michel Vivorca, si je dis que la légitimité qu'on accorde à la violence en démocratie est une question qui change beaucoup au cours du temps, et qu'aujourd'hui, par exemple, plus personne ne revendique ou ne prétend qu'il y a une telle légitimité. C'est presque un sujet tabou, dites-vous, dans le livre. Et pour comparer notre situation à celle des années 60, vous rappelez ce que dit Jean-Paul Sartre dans la préface du livre publié en 1961, « Les damnés de la terre » de Frantz Fanon. Il écrit des phrases qui aujourd'hui paraissent assez terribles. « Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. » Alors, je pense que c'est des propos qu'il faut situer dans leur contexte. C'est une préface qui est beaucoup plus violente que le livre lui-même, le texte lui-même de Frantz Fanon, qui ne va pas jusque ce genre de position. Et effectivement, après cette époque, dont il faut rappeler que c'est aussi la décolonisation, c'est aussi une autre époque, après cette époque, on est rentré dans une longue phase, très positive, les années 80, et jusqu'à presque aujourd'hui. Je vais nuancer un peu ce que j'ai écrit dans ce livre, parce que les événements récents me font réfléchir, et je vais vous dire en quoi. Mais on est rentré dans une longue phase où la violence devenait tabou. Alors pourquoi elle devenait tabou ? Je ne vais pas vous dire qu'il y a une explication unique, mais il y a des éléments qui nous éclairent. D'abord, la violence révolutionnaire, elle a changé de côté et de partie du monde. On aimait bien en France, on aime bien d'ailleurs évoquer la Révolution française, la Révolution soviétique, et même parfois la Révolution chinoise. Ça allait encore. Mais vous comprenez, quand la Révolution, elle est en Iran, ou elle est presque en Algérie, là, les Français n'ont pas tellement envie de s'identifier à ce genre de mouvement révolutionnaire, quand ça devient religieux, par exemple. Et donc, l'idée de révolution a été un peu désertée. Je dirais que ceux qui ont vidé les poubelles de tout ça, c'est les nouveaux philosophes de la fin des années 70. C'est les Glucksmann, Bernard-Henri Lévy et autres, hein, qui nous ont dit c'est fini l'adhésion à ces projets qui pouvaient avoir des dimensions révolutionnaires. C'est le triomphe de Raymond Aron sur Jean-Paul Sartre, si vous voulez. Ça, c'est les années 80, 90. Et puis, je crois qu'il s'est passé deux choses en France. Disons une chose, simplement. Je vais simplifier le raisonnement. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Parce que, si je simplifie à l'extrême, ce mouvement n'est pas violent sur les ronds-points, mais trouve dans la violence qui s'est jouée au cours de tous ces actes parisiens le moyen d'exercer une pression forte via les médias sur le pouvoir. Vous voyez, quand vous avez des télévisions qui, en ligne, en permanence, vous font voir les Champs-Élysées et autres lieux parisiens avec toute sa violence, vous avez beaucoup de personnes qui se sont dit « mais finalement, la violence paye ». Sans parler de ceux qui ont eu des rêveries retour à Robespierre, si vous voulez, ou des rêveries insurrectionnelles, révolutionnaires, à nouveau. Et donc, oui, nous sommes à la fin, je pense, de cette période de 30 ou 40 ans où la violence était taboue. Et malheureusement, je le crains, dans l'entrée, qui s'arrêtera peut-être là d'ailleurs, qui peut le dire, mais dans une phase où une certaine légitimité commence à pointer à propos de la violence. Il est temps d'apaiser nos esprits. Michel Villevorquin, en écoutant le morceau de musique que vous avez choisi, je crois avoir compris qu'il s'agit d'un concerto pour harpe. Michel Villevorquin, de qui est-ce ce concerto c'est pour harpe? C'est de Boieldieu et j'ai choisi ce concerto parce que c'est, je suis à un âge ou à une période de ma vie où je pense de manière douce et amère en même temps à l'enfance, à la famille. Et dans ma famille, on adorait ce morceau qui était l'indicatif d'une émission que mes parents écoutaient. On adorait tellement ce morceau que mes parents avaient acheté le disque. À l'époque, c'était pas si évident que ça d'acheter un disque. Et donc voilà, c'est un air que j'aime beaucoup et qui... Ça m'a fait plaisir, voilà, d'avoir ce petit moment d'émotion avec vous. C'est un très bon choix, ma sœur est harpiste. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. On parlait de la violence, il y a une question qui est récurrente. On pose souvent celle de savoir si la violence augmente ou pas dans nos sociétés par rapport au passé. Est-ce que la définition de la violence, notamment politique, a toujours été la même? Et si la réponse est non, et j'imagine qu'elle est négative, comment est-ce qu'on arrive à comparer de ce point de vue-là les époques différentes? C'est presque impossible, car la violence est à la fois objective et subjective. Elle est objective au sens de, si je vous dis, dans telle guerre, il y a eu 225 000 morts. Oui, c'est cet objectif, la guerre a fait 225 000 morts. Mais si je vous dis les manifestations d'agriculteurs ont été très violentes, les gens diront oh non, ces derniers temps, exemple fictif bien sûr, peut-être que certains trouveront qu'il y a eu beaucoup de violence chez ces agriculteurs, mais d'autres diront non, et finalement ils ont bousculé un peu la police, mais rien de très violent. Voyons, les gens auront des jugements différents. Et pour le dire de façon plus précise, la violence a son objectivité quand on peut la mesurer, mais ce que nous appelons violence change d'une période historique à une autre, d'une personne à une autre, d'un groupe à un autre. Regardez les débats que nous avons eus ces derniers temps pour savoir si la police était violente ou pas. On entend des gens dire, écoutez, la police française est admirable, il n'y a pas eu un seul mort depuis le début de ces manifestations des Gilets jaunes, d'un côté. Et puis d'autres vous diront, mais la police est d'une brutalité incroyable, elle utilise, sa violence est terrible, regardez, les flashballs, les grenades, etc. Donc, il y a de la subjectivité dans ce qui est dit de la violence. Et par conséquent, comment voulez-vous discuter si ce qui est violent pour vous ne l'est pas pour moi? Si ce qui était perçu comme violent dans la société française hier ne l'est plus ou l'est moins. Donc, C'est très difficile et donc je ne vous dis pas du tout qu'il faut choisir la subjectivité contre l'objectivité. Il faut circuler, il faut essayer d'avoir des mesures, des éléments quantifiables même, et il faut en même temps accepter une forte dose de subjectivité. On parle aussi, vous parlez de la violence policière, mais on parle aussi de la violence de l'État. C'est un sujet qui revient à propos des manifestations. Et dans le livre, vous citez un épisode un peu plus ancien, même s'il date seulement de juillet 2017. Vous parlez d'un article signé par Mireille Delmas-Marty dans Libération à propos de ce qu'elle appelait un despotisme doux, avec notamment la pérennisation de l'état d'urgence après les attentats de Paris. Alors voilà un autre exemple de débat. Alors on ne débat pas vraiment de la violence, on débat de la pertinence et du sens de certaines mesures. Est-ce que ce qui met en place l'État et les lois qui nous mettent en face d'une situation nouvelle en ce qui concerne le terrorisme, est-ce que tout ceci est vraiment destiné à lutter contre le terrorisme? Est-ce que tout ceci est vraiment démocratique? Je suis très au courant du travail assez impressionnant que font un certain nombre de juristes, avocats, organisations humanitaires, etc., pour en permanence demander qu'on respecte les droits de l'homme, qu'on soit démocratique, qu'on ne mette pas en place des mesures qui vont servir à autre chose que ce pourquoi elles sont annoncées. D'un côté. Est-ce que ça veut dire qu'on aime tellement peu la violence qu'on préfère la sécurité à la liberté? C'est un débat. Et derrière ce débat, sécurité et liberté, il y a aussi le débat de la démocratie. C'est-à-dire, est-ce qu'il est démocratique de mettre en œuvre des mesures qui réduisent l'espace démocratique pour sauver la démocratie? Vous voyez le genre de débat. Mais on est dans des mondes, on parle de la violence, mais on pourrait dire de beaucoup d'autres problèmes. On est dans des mondes, dans des situations où nous avons à affronter en permanence des points de vue opposés. Je vous en donne un autre exemple qui a quelque chose à voir avec ces problèmes de violence. Quand vous avez, je vais prendre un exemple concret, une guérilla qui accepte d'en finir, de déposer les armes, de négocier. C'était le cas en Colombie ces dernières années avec les FARC. Vous avez aussitôt un immense problème qui se pose. Est-ce qu'on veut la justice ou est-ce qu'on veut la paix? Ou bien encore, est-ce qu'on peut trouver une formule qui permette d'avoir à la fois la justice et la paix? Si vous avez la justice, vous allez condamner des gens, mais dans ce cas-là, vous n'aurez pas la paix, parce que les guérilleros qui veulent bien déposer les armes, si vous leur dites c'est pour finir en prison, et même s'il y a la peine de mort, c'est pour exécuter certains d'entre vous, les gens diront, écoutez, non, on va pas négocier. Donc, pour avoir la paix. Il faut renoncer à la justice. Il faut renoncer peut-être à la justice. Il y a des gens qui ont trouvé des dispositifs merveilleux, très compliqués, qui marchent plus ou moins bien. Il faut introduire le thème de la réconciliation. Il faut introduire le thème du pardon. Oui, on peut compliquer le raisonnement. Mais je prends cet exemple pour vous dire, c'est jamais simple. Il n'y a pas une réponse claire, simple et facile. Et donc, si on est en démocratie, il faut accepter que des points de vue opposés, y compris sur la légitimité ou pas de la violence, y compris sur le choix entre la justice et la paix, il faut accepter que tout ceci soit mis en débat. Et donc, c'est la vertu de la démocratie, à mon sens, par rapport à n'importe quel autre système politique, c'est que ça doit, en principe, autoriser le pluralisme, le débat et la prise de décision à l'issue du débat. Mais ça réintroduit la question de la causalité qui nous occupe aujourd'hui, Michel Villiorca, puisque en janvier 2016, il y a eu des débats assez intenses parmi les sociologues autour de la question « comment et pourquoi devient-on djihadiste ?» Et à cette occasion-là, le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, avait affirmé que expliquer, donc répondre à cette question, c'était déjà vouloir un peu excuser. Il est revenu ensuite sur ses propos, mais il a posé la question justement de la causalité. Si on trouve des causalités, alors elles vont servir d'excuses à des comportements qui sont par ailleurs inadmissibles. Il a dit une connerie, disons-le simplement, et il le sait très bien. Parce que dire ça, vous comprenez, c'est dire aux enseignants dans les écoles, arrêtez de faire de l'histoire. Mais aussitôt après, le CNRS a demandé aux sociologues de lancer des programmes de recherche pour mieux répondre à la question. Oui, mais écoutez, le hasard de la vie fait que quelques semaines après cette fameuse déclaration, j'avais organisé un très très gros colloque sur les questions du djihadisme en coopération avec l'Institut Montaigne et la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Un très très gros colloque. Et il avait invité la plupart des participants, des intervenants à ce colloque, à une réception, il était Premier ministre, à une réception à l'hôtel Matignon. Donc on y est allé et j'ai eu l'occasion de parler de ça avec lui. C'était très clair qu'il avait conscience qu'il avait dit une bêtise. Hein. Donc voilà, mais la bêtise avait été dite. Et ça, elle venait quand même conforter quelque chose. C'est pour ça qu'on est aussi dans la politique. Elle venait conforter l'idée que, écoutez, c'est pas le moment de se demander quelles sont les trajectoires. Non, il faut maintenant réprimer, il faut lutter, il faut agir. C'était ça l'idée. C'était l'idée de la priorité à l'action sur l'analyse. Ça, à la limite, en situation d'urgence, on peut le comprendre. Mais c'était quelque chose d'inacceptable et effectivement, aucun chercheur, mais je crois aucun pédagogue, aucun enseignant ne peut accepter ça. Parce que sinon, à quoi servent les enseignants s'ils n'ont pas le droit d'expliquer certaines choses, car ce serait les justifier. L'idée de loi en sociologie, vous dites qu'elle a été abandonnée. Pourtant, il y a des sociologues qui s'intéressent aux cartes électorales, à la façon dont les gens votent en fonction de leur situation sociale. Mais en même temps, on assiste à un phénomène par lequel, qui était d'ailleurs développé par Alexandre Lacroix dans un vieux numéro de Philosophie Magazine. Le titre, je crois, c'était « L'histoire en chute libre ». Il disait que les individus et les peuples réagissent à leur propre prédictibilité pour créer la surprise, par exemple en faisant mentir les sondages. Et il s'appuyait sur la physique quantique en invoquant le fait qu'en physique quantique, vous savez, moins on connaît la position d'une particule, mieux on connaît sa vitesse et réciproquement. Il lui disait, mieux on connaît la position actuelle d'un individu ou d'un collectif, moins on sait quel acte il va connaître. Il y a une sorte d'indétermination, d'incertitude dans le comportement des individus ou bien des sociétés qui est contradictoire avec le fait que les hommes politiques présentent des programmes comme s'ils pouvaient faire en sorte que l'histoire se déroule comme ils voudraient qu'elle se déroule. Bon, je serais d'abord, surtout avec vous, je serais très prudent s'il s'agit de faire des comparaisons avec la physique de Kant et ce genre de choses. C'est pas du tout ma compétence. J'ajoute quand même, en même temps, que le mouvement des idées entre les sciences physiques ou autres et les sciences humaines et sociales, la circulation des idées, ça c'est un thème très très important. Est-ce qu'on ne demande pas aux hommes politiques d'être des sortes d'ingénieurs de la chose publique ? Mais je voudrais vous dire ceci. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où les hommes politiques sont très dépréciés. Et ils sont très dépréciés parce que justement, beaucoup de gens ont le sentiment soit qu'ils sont impuissants, soit qu'ils sont corrompus, soit qu'ils sont incapables de tenir des promesses qu'ils font en lançant des projets, des programmes, etc. Ou des réformes, comme on dit. Alors ça, c'est un sentiment très profond. Mais je voudrais ajouter une chose. On est aussi dans une période historique très intéressante, y compris pour les sciences sociales, où la prédiction est tout à fait autre que ce qu'elle était auparavant. Aujourd'hui, avec les big data, avec la recherche scientifique, médicale ou autre, on est capable non pas de dire qu'une personne sera un grand criminel à telle date, ou commettra tel ou tel acte, ou aura telle ou telle maladie, etc., à coup sûr. Mais on est quand même capable d'envisager des probabilités plus grandes pour certaines personnes que pour d'autres de ceci ou de cela. Ce qui pose d'immenses questions, je vous en livre une ou deux que les sociologues, et pas seulement eux, se posent. Vous êtes en prison pour avoir commis une série de crimes sexuels. Normalement, vous avez été condamné, vous sortez de prison. Mais si la probabilité, à travers les big data ou d'autres choses d'ailleurs, est grande que vous recommenciez en sortant, que doit faire la justice ? Comment penser ce type de question ? Est-il acceptable que l'on garde en prison, par exemple, des personnes uniquement parce qu'on pense qu'il est possible qu'elles agissent de manière criminelle ? Voilà un exemple. La santé, ça débouche aussitôt sur la question des assurances. Si vous avez tel problème de santé et que la médecine me dit que très vraisemblablement, vous n'en avez plus que pour 6 mois à vivre. Est-ce qu'il est bon de mettre autant d'argent pour vous guérir et vous sauver que pour telle autre personne qui a un autre problème de santé dont l'espérance de vie sera beaucoup plus grande ? Et donc on va commencer à rentrer comme ça dans des raisonnements de médecine prédictive qui peuvent mener à des choses très inquiétantes, qui méritent débat en tout cas. Mais les big data permettent, donc, grâce à des algorithmes, de voir des corrélations, alors, mais pas des causalités. Alors, simplement, la question est de savoir comment sont fabriqués ces algorithmes. Et là, on rentre dans des critiques qu'on peut faire à l'intelligence artificielle, mais là, j'ai pas les compétences pour discuter de façon précise de tout ça. Mais ce que je vois, c'est que nous entrons dans un nouvel univers où la prédictibilité de certaines choses existe, non pas parce qu'on a une théorie générale de l'évolution, non pas parce qu'il y a des lois générales, mais parce que chaque cas singulier peut être apprécié par rapport à un certain nombre d'éléments, compte tenu de ce que l'on sait de millions d'autres cas qui ont permis d'éclairer celui-là. Donc on rentre dans un nouvel univers qui est très inquiétant. Il faut quand même accepter. Mais un logiciel ayant des données médicales pourra vous dire n'allez pas à l'hôpital parce que j'ai observé en étudiant les données qu'on y meurt plus souvent que chez soi. Oui, bien entendu, beaucoup de choses seront possibles. Et donc, oui, il est difficile de faire des programmes, d'avoir des grands projets. Ça ne veut pas dire que la prédictibilité disparaisse de notre société, à ceci près que nos sociétés, en tout cas la société française, sont entrées depuis pas mal d'années dans ce qu'un très bon historien, François Hartog, a appelé le présentisme. C'est-à-dire, nous sommes incapables de nous projeter vers l'avenir, ou avec beaucoup plus de difficultés qu'avant. Nous sommes capables de prévoir pour un individu, avec une certaine probabilité, ceci ou cela, mais qui peut dire aujourd'hui où nous en serons dans 20 ans ? J'étais un jour, parce qu'il faut regarder comment l'échec des prédictions aussi, des grandes prédictions de type sociologique ou démographique ou autre. J'étais un jour sur un plateau de télévision avec Hervé Lebras, un excellent démographe. On devait parler de prévisions démographiques. Et il a tué l'émission en 20 secondes. C'était très très drôle. Il est arrivé, il dit voilà, pour lancer la discussion, voilà ce que l'INSEE prévoyait pour la population française, et voilà ce que les Nations Unies et autres, je ne sais plus, prévoyaient pour la population mondiale pour aujourd'hui en 1950 ou en 1955, je ne sais plus. C'était totalement délirant. Donc voilà, et donc, comment est-ce qu'on peut ensuite discuter de la pertinence de ce genre de prédiction ? Et donc on est peut-être dans une époque où on sait peut-être mieux prévoir ce qui va arriver ou ce qui pourrait arriver à une personne qu'à les collectivités plus larges, qui donnent beaucoup à réfléchir. Mais Michel Villeparquet, est-ce que vous pensez que les intellectuels, sociologues ou autres sont, disons, déterminés à pouvoir aider les politiques dans leurs choix, dans leurs actions, dans leurs discours, dans leurs décisions ? Alors, souvent les chercheurs, je parle de ma catégorie d'intellectuels, souvent les chercheurs ont le sentiment qu'ils ne sont pas écoutés, qu'ils ne sont pas entendus par les politiques. Alors d'abord, il faut savoir que comme les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux, si les politiques se mettent à écouter la recherche, ils auront quelques difficultés puisque les chercheurs eux-mêmes ne tranchent pas entre eux, premièrement. Et puis, deuxièmement, et on devrait le savoir, y compris quand on est sociologue, depuis Max Weber qui avait donné deux conférences dans lesquelles il traite un peu de cette question, la politique c'est une chose, l'analyse c'en est une autre, et on ne passe pas directement de l'une à l'autre. Il faut les faire discuter l'une avec l'autre quand même. Alors moi je suis absolument du côté de ceux qui pensent qu'il faut non pas confondre les rôles, mais qu'il faut qu'il y ait un maximum d'échanges, de débats. Il y a peut-être une époque où ça a été le cas, et puis vous avez des phrases assez dures contre François Hollande, dont vous dites qu'il a laissé son camp dans un état de grand vide politique et intellectuel, et un an après son élection à la présidence de la République, vous avez publié un article dans lequel vous dites que s'il ne modifie pas son action, il finira comme Louis XV, enterré de nuit en secret, tant il est détesté par la population. Non, bon, il n'a pas été enterré de nuit, heureusement, bien entendu, c'était une image, mais c'était l'idée que son action n'allait pas déboucher sur le grand amour. Et je pense que malheureusement, ce genre de prévision très prudente quand même, c'était un peu polémique la phrase que vous citez, hein, mais enfin annoncer quelque chose qui s'est plus ou moins réalisé. Mais vous savez, qu'est-ce qui s'est passé avec François Hollande ? Il arrive aux affaires, et à partir de là, son parti, qui aujourd'hui n'est même plus dans son siège historique de la rue de Solferino, qui est dans le banlieue, son parti, qui avait mis en place jusque-là un laboratoire des idées, un lieu où discutaient ensemble des chercheurs, des intellectuels d'autres natures, des gens du tissu associatif, des politiques, des syndicalistes. Enfin, il y avait vraiment une vie intellectuelle très intéressante dans ce laboratoire des idées. Bon, du jour au lendemain, c'était fini. Moi-même, je n'ai jamais été au Parti Socialiste, enfin, j'ai contribué à tout ça. Je n'ai ensuite plus jamais mis les pieds dans ce bâtiment où j'allais très souvent pour participer à des rencontres de ce type. Donc la vie intellectuelle de ce type a été annihilée, c'est vrai. Je dirais d'ailleurs que le président actuel est beaucoup plus ouvert aux idées, c'est beaucoup plus. C'est comme ça. Et donc, oui, vous avez parfois une très grande distance, mais vous avez aussi des responsables politiques qui s'intéressent énormément à la vie des idées. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes, Michel Villeparquet. Je voudrais que vous développiez votre thèse de conflit sans la violence. Comment est-ce qu'on peut régler ces questions de violence par l'augmentation des conflits, dites-vous ? C'est là qu'il y a une dimension paradoxale qui m'intéresse. Je voulais vous faire remarquer que la conversation, celle que nous avons, a pour anagramme « rêvons à l'action ». Ah bon ? Quelles sont les actions auxquelles vous rêvez ? Moi, enfin, si je devais vous dire ce dont je rêve pour mon pays aujourd'hui, moi je rêve qu'existent des partis politiques puissants, capables de proposer des programmes, des projets, des visions, que le tissu associatif, syndical, soit capable d'action et reconnu comme tel, et que les questions qui taraudent une société comme la nôtre, qui sont des grandes questions, ne se jouent pas dans une sorte de dialogue que je crois très, très malsain, uniquement vertical entre guillemets le peuple, parce que c'est quand même une catégorie un peu dangereuse, et le pouvoir. Autrement dit, pourquoi je défends l'idée que le conflit sans la violence, c'est mieux que pas de conflit? Que la définition du conflit n'intègre pas l'idée même de violence, en tout cas de dureté dans les rapports? Non, écoutez, c'est une chose, par exemple, d'avoir dans une grande entreprise un syndicat puissant, moi j'ai connu ça à EDF, où j'avais fait des enquêtes, où les dirigeants se plaignaient sans arrêt du syndicalisme, qui était à l'époque tout à fait dominé par la CGT, en disant « c'est une perte de temps, c'est des réunions sans fin, ils nous cassent les pieds, ils n'arrêtent pas de demander des choses sans intérêt, etc. » Peut-être. Mais ils savaient aussi, les mêmes dirigeants, que quand ils ont un syndicat en face d'eux, ils ont en face d'eux des acteurs qui ont des comportements plus ou moins prédictifs, prévisibles, disons, qu'ils ont en face d'eux des acteurs avec qui ils vont pouvoir parler, avec qui ils vont pouvoir échanger des informations, des idées, et avec qui ils vont pouvoir négocier. Alors qu'est-ce qui vaut mieux dans une entreprise comme les TEDF à l'époque? Plus de syndicats, ce qui fait qu'il ne se passe rien, et puis un beau jour, vous avez des violences, des séquestrations de cadres, des conduites qui partent dans tous les sens et de façon totalement imprévisible. Est-ce que ça vaut mieux ça? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir en face de soi, quand on est du côté de la direction, ou symétriquement d'ailleurs, la capacité de construire une relation qui peut être tendue, hein, qui n'est pas une histoire de bisounours dont je vous parle, qui peut être tendue, mais qui prépare la possibilité d'un traitement des questions qui se posent. Voilà, c'est ça. Autrement dit, le conflit, pour moi, c'est la relation conflictuelle. Et elle peut être sans violence. Elle peut être sans violence. Si vous regardez... On a parlé tout à l'heure du terrorisme anarchiste. Bon, vous avez de la violence sociale et vous n'avez pas de conflit structuré. Et puis apparaît un jour le syndicalisme, qui n'est pas tendre, je vous assure, surtout au début, l'anarcho-syndicalisme, qui était la première grande forme du syndicalisme français. C'est des durs à cuire, hein, et c'est des gens qui font des grèves, et c'est des gens qui sont mobilisés, mais ils ne vous disent pas on va tuer les patrons. C'est là, pour vous, la grande différence. C'est ça qui... Moi, je pense qu'il faut, autrement dit, c'est ça, bien sûr, c'est la grande différence, je vais le dire autrement, quand il y a une situation de crise et on ne voit pas apparaître des acteurs, je pense que la première chose à faire, c'est de transformer la crise en débat, c'est-à-dire faire apparaître des positions différentes. Et que faire apparaître des positions différentes doit se cristalliser, se condenser sous la forme d'acteurs, qui eux vont incarner des positions différentes. Autrement dit, le monde dont je rêve, et je vous ferai une remarque ensuite, c'est un monde dans lequel vous avez du débat, et de ce débat, ou en lien avec ce débat, des acteurs qui vont pouvoir discuter, échanger, négocier dans un système pluraliste. C'est ça pour moi qui me semble la bonne formule. Et dans la société française, on voit qu'il y a aussi des crispations, et j'en parle parce que l'émission s'appelle « La conversation scientifique » autour de la science, de ses applications, de la technologie. Je pense aux nanotechnologies, je pense aux déchets nucléaires, je pense à toutes sortes de sujets à propos desquels on a du mal à décider. Parce qu'il y a justement des tensions qu'on n'arrive pas à régler par des débats. Est-ce que les sociologues ont des idées à proposer pour permettre que les discussions débouchent sur des solutions? Moi, je vous dis, recréons du débat et recréons du conflit. Mais ce n'est pas les sociologues qui vont trancher à propos de telle ou telle démonstration scientifique. Mais je pense qu'une des réponses, elle est dans l'éducation. C'est-à-dire qu'un système éducatif qui valorise la raison, qui valorise le raisonnement scientifique, la rigueur, c'est très très important. On est dans un univers, aujourd'hui, dans une société qui se fragmente, dans laquelle vous avez un certain nombre de personnes qui, pour différentes raisons, se sentent à l'abandon, laissées pour compte, ignorées, niées, pas suffisamment entendues ou reconnues. Quand vous avez ce genre de fragmentation, ceux qui vous disent « vive la raison, vive le raisonnement, vive la science », Vous dites, mais ils sont de l'autre côté, ils sont du bon côté. Ils ne m'entendent pas, ou je ne suis pas entendu. Et donc, à partir de là, vont apparaître les fausses nouvelles, les fameuses fake news, la post-vérité, le complotisme, la paranoïa dont on a un peu parlé tout à l'heure. Et donc, je pense que la réponse au type de questions que vous posez, c'est réintroduire de la relation conflictuelle entre ceux qui, dans un premier temps, sont définis comme étant en rupture, vont donc s'appuyer parfois sur la violence pour dire quelque chose, exprimer quelque chose. Mais ce n'est pas la violence qui réglera les choses. Justement, le complotisme dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas l'envie de réintroduire de la causalité simple dans un monde complexe ? Oui, mais c'est bien entendu. Vous parlez d'ailleurs dans le livre, vous citez un auteur, je ne sais plus lequel, qui parle de causalité diabolique. J'allais le citer, c'est Léon Poliakov. Si vous êtes dans un univers qui est à la dérive, ou dont vous pensez qu'il est à la dérive, et que vous avez le sentiment que c'est pas de votre faute, mais que c'est de la faute des autres. Mais si vous n'avez pas la clé pour comprendre tout ça, et si vous n'avez pas la relation avec ces autres, justement, ben vous allez imaginer les pires horreurs. Et donc Léon Poliakov, qui était le grand historien français de l'antisémitisme, se posait la question, pourquoi ça revient toujours, la haine des Juifs ? Et une de ses conclusions, c'était, les Juifs vont être ceux qui vont permettre d'être le bouc émissaire, l'incarnation du mal, dans des situations où il n'y a pas justement le type de débat et de conflit dont je suis en train de vous parler par ailleurs. Et c'est même pire que ça. Plus vous allez raisonner et plus vous allez démontrer que votre raisonnement est scientifique, qu'il est bon, qu'il est juste et que c'est celui-là qu'il faut entendre, plus ceux qui ne veulent pas vous croire seront convaincus que vous êtes vraiment maléfique et que vous êtes vraiment très fort pour les embobiner comme ça. Vous voyez ? Donc toute tentative pour dénoncer le complot alimente le complot. Dans certains cas, quand les gens sont à ce point dans la logique de rupture. Et vous savez, je vous disais tout à l'heure, on est dans le présentisme, on ne voit pas quel est l'avenir. Paradoxalement, quand il y avait en France du conflit fort, dans les années 50-60, quand il y avait un mouvement ouvrier qui avait une certaine importance, et même un parti communiste, j'ai jamais été de ce côté-là, mais un parti communiste qui promettait autre chose, eh bien vous aviez une vision de l'avenir. Le conflit permettait que se structurent des visions de l'avenir. On ne vous disait pas, il y a 50 ans, mes enfants vont vivre moins bien que moi. On vous parlait d'avenir radieux. Bon, aujourd'hui, où on ne voit pas de conflit fort se mettre en place, se structurer, du moins pour l'instant, eh bien, un très grand nombre de personnes vous disent, mes enfants vivront moins bien que moi. Donc vous voyez, je pense que le conflit fait partie vraiment de ce qui doit être accepté, recherché, à condition bien entendu de faire en sorte qu'il ne se transforme pas en rupture, en violence, en guerre civile. C'est ça la difficulté. Mais l'idée de conflit, c'est-à-dire l'idée que vous et moi, nous incarnons des positions, des intérêts, des valeurs, enfin des choses différentes, ça n'exclut pas que nous puissions débattre, discuter, négocier peut-être pour arriver à quelque chose. Et on voit ensuite. Ça sera le mot de la fin, Michel Vivorca, parce qu'il y a un conflit qui apparaît, c'est le conflit entre notre conversation et le temps qui passe. C'est bien dommage. C'est la fin de cette émission, je vous remercie d'être venu. Je recommande la lecture de votre livre intitulé « Face au mal » avec comme sous-titre « Le conflit sans la violence ». C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Olivier Dupré et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.